Eh bien, bonjour à tous, c'est Emmanuel, et aujourd'hui, nous allons passer une petite heure avec Sylvain, alias Yako45, qui n'est pas d'Orléans, comme son pseudo pourrait l'indiquer, mais du Cantal, même s'il est originaire d'Orléans, il a déménagé il y a quelques années. Sylvain a la cinquantaine, et c'est un sportif tout-terrain. Vous allez voir qu'il marche, qu'il court, qu'il pédale, enfin, qu'il fait des tas de sports, il nage, etc., il skie. Et c'est intéressant justement de discuter avec lui parce que ça fait des années, ça fait plus de deux décennies hein, qu'il pratique du sport de manière assez intensive, on va dire. Beaucoup de sports différents, y compris des sports qu'on qualifie d'ultra, et que malgré ça, il est toujours en forme aujourd'hui. Il est même plutôt très en forme, même s'il va moins vite qu'avant. Donc il a cette vision assez holistique du sport qui fait durer. Et je trouve que c'est justement très intéressant de parler de cet aspect. Bah en tout cas, c'est cool parce que tu m'as donné envie à plusieurs reprises en relançant les discussions, notamment sur le club Strava, là, de reprendre contact un petit peu et puis de refaire quelques discussions comme ça, d'avoir quelques échanges avec des anciens pour voir un petit peu ce qu'on était devenus les uns les autres. Et puis, on se posait pas mal de questions à l'époque sur notre avenir, n'est-ce pas? Comment ça allait tourner par rapport au sport qu'on faisait, l'ultra, si on allait tous être en chaise roulante à 50 ans ou si on allait continuer à cavaler derrière les chamois dans les montagnes. Donc c'est l'occasion. Ah bah, tu parles, mais c'est juste un peu par hasard parce que ma fille, moi je ne suis pas très à utiliser les logiciels comme Strava et tout, je t'avouerai. Ça fait pas longtemps que j'ai une montre avec le GPS, donc tu vois. Et ma fille aime bien, mais j'aimerais bien voir un peu ce que tu fais de temps en temps. Elle va là-dessus parce que les jeunes ils sont tous dessus, du beau tout le temps. Et puis j'ai vu que en fait j'avais un compte et puis qu'il y avait eu 3 fois UFO. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, bah, on va voir s'il y a encore du monde qui est connecté. Ben oui, encore du monde. Donc effectivement, on était sur ce forum à l'époque gris au départ, qui était passé orange plus tard, le forum ultra fondu. Tu te souviens quelle année à peu près t'es arrivé là-dedans? Alors oui, moi je suis arrivé en 2000, ça devait être 2009 ou 2010. Ah oui, ah, dans le groupe ou dans le ultra fondu? Ben, le forum, Le le forum, groupe. ah 2009 ou 2010 par là, ouais. Ok, t'es tombé un petit peu par hasard là-dedans, par rapport à une épreuve, des gens. Alors là, complètement par hasard, je courais déjà et bah, Internet arrivait, donc commence à avoir quelques infos, des choses comme ça. Et puis par hasard, je dis, ben, en fait, putain, je ne suis pas le seul, en fait, il y en a d'autres comme ça. Et puis après, voilà, et après, au niveau du forum, ben, du coup, c'est pas mal parce que tu permets de rencontrer du monde. Et donc toi, ton pseudo, c'était, je ne sais pas si c'est toujours, Yako45, n'est-ce pas? C'est toujours ça, 45, ouais. comme. Ouais, avant, j'étais dans le Loiret, c'est pour ça, alors j'ai gardé 45, ouais. Donc maintenant, tu es dans le Cantal. C'est ça. J'aurais pu m'appeler Yako 15, mais j'ai gardé Yako 45 parce qu'il y en a certains qui me connaissent. Qui est-ce que tu es quand tu n'as pas des baskets, un short, un collant ou je ne sais pas quoi selon la saison, voilà, rapidement, en quelques mots, t'es quel type de personne dans la vie? Alors, moi, je suis toujours à l'extérieur hein, parce que je suis garde forestier à l'ONF. Donc, bah, toujours dehors. Je suis sur les monts du Cantal. Donc, je marche toujours et je grimpe toujours. En dehors, eh bien, je fais pas que de la course à pied, je fais aussi pas mal maintenant de la natation, un peu plus qu'avant. Hein. Je fais 3 à 4 heures par semaine parce que ben, je trouve que c'est un peu traumatisant, mine de rien, la course à pied. Donc on a diminué un peu la course à pied et un peu plus de natation. Et je fais maintenant du long en natation aussi. Donc je suis beaucoup plus mauvais hein, parce que je nage que 4 heures et c'est pas beaucoup. Mais bon, j'arrive là, j'ai fait un 10 km et là en juin, je vais faire un 16 km de descente de la Charente. Ok, ah, dans le sens du courant, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de courant. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Et comme on le voit sur la vidéo, tu as à peu près une trentaine d'années. Oui, à peine. Tu rajoutes une vingtaine d'années. Ben oui, mais ce que j'aime beaucoup, moi, ce qui est vachement intéressant, c'est que ben voilà, on vieillit, on mûrit, mais n'empêche qu'on a toujours, on est toujours nombreux. Alors peut-être pas à pratiquer exactement comme on le faisait il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais on a toujours une pratique sportive, on est toujours en forme, on nous avait prédit les pires affres, douleurs, etc. Et finalement, dans l'ensemble, on est toujours plutôt vaillant, non? Oui, moi je pense que alors quand je regarde par rapport à, je sais pas si on peut comparer par rapport au temps parce que je fais toujours des courses d'ultra, hein, toujours, ça n'a pas beaucoup évolué en fait. Je cours moins, mais en fait je suis toujours à peu près pareil. Peut-être que je fais un peu plus attention à ce que je mange, je suis un peu vieilli, on va dire, ou je dors un peu plus, des choses comme ça. Mais oui, ça n'a pas. J'ai pas eu de grosses, grosses. Enfin, j'ai pas plus de problèmes qu'avant, quoi. Pour l'instant, touche du bois, hein, j'arrive à rentrer encore dans les délais, ça passe bien. Ouais, ça va, quoi. Après, la pratique de la course à pied a très, très évolué, c'est clair, hein. Et comme, comme sportif, tu te définirais comment aujourd'hui? Donc plutôt éclectique, des sports variés, tu es un sportif plutôt, tu fais toujours des courses, tu accroches toujours des dossards, est-ce qu'il y a le côté compétition qui t'intéresse toujours? Voilà, comment tu es un entre-deux peut-être entre le loisir et la compétition? Eh bien, moi, je fais plusieurs sports, ça c'est clair, hein, parce que je nage, je fais aussi du vélo, je fais aussi du triathlon, hein, j'ai fait les 24 heures triathlon, des choses comme ça. Mais par contre, la compétition, non, ça m'intéresse plus du tout. Et je cherche les compétitions vraiment intimistes, où il n'y a pas grand monde. Si elles sont un peu compliquées, ça j'aime bien. Pas très roulant, quoique. L'année dernière, j'ai fait un 100 km de l'Ardèche, donc c'est sur route, donc c'est très roulant. Mais voilà, j'aime bien, voilà, où il n'y a pas trop de monde. Je cherche vraiment les courses où maintenant, vraiment, il n'y a pas grand monde et où on ne se prend pas trop la tête. J'aime pas les choses vraiment trop cadrées maintenant, je participe. Ok, et quand tu as rejoint le Forum Ultra Fondu, quand tu as commencé les courses un petit peu ultra, qu'est-ce que ça représentait cette petite communauté pour toi des potes, des gens à retrouver ici ou là, un esprit, une communauté Ah c'était des potes à la base parce que quand tu faisais une course à l'époque en 2009, 2010, 2011, 2012 par là, mine de rien, tu avais un t-shirt ultra fondu, il y avait toujours quelqu'un il y avait toujours quelqu'un qui faisait partie du groupe ou qui te connaissait bien et du coup ça permettait de discuter et puis il y avait moins internet et tout donc pour les courses c'était quand même plus facile, on avait moins l'accès, c'était beaucoup moins rapide donc avec le forum, voilà, je regardais ce que les autres avaient fait comme course, les critiques qu'ils pouvaient avoir là-dessus, et du coup, c'est vrai que c'était très très motivant, quoi. Et puis après, les conseils sur certains trucs. Alors ça peut aller du matériel, ça, il y avait un peu de tout, hein. Donc c'était assez vaste. Mais oui, c'était plutôt intéressant de regrouper, d'avoir du monde, parce que là, effectivement, de plus en plus, on se sent un peu isolé, quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait partie de l'évolution de notre pratique, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y sont mis, il y a de plus en plus de communication dans tous les sens, sur tous les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a moins ces petits groupes de gens plutôt bienveillants qui essayaient de s'élever, de s'épauler dans leur pratique. Ouais, je pense que c'est vrai, effectivement, c'est devenu beaucoup plus. Il y a eu depuis peut-être 2018, 2019, depuis 5-6 ans, j'ai vu vraiment un changement où on est vrai. Déjà, ça a vachement rajeuni. Oui. Quand tu vois qu'il y a une que j'avais faite, c'était le tour du en 2021, le tour du Jura. Alors, je sais plus comment ils appellent ça, c'est le tour de l'Ain, je crois. Que moi j'ai fini avec une dizaine de filles qui avaient 25 ou 26 ans, il y a 10 ans ou 15 ans, il n'y en avait pas, quoi, ou alors vraiment très peu, quoi. Donc ça s'est vraiment rajeuni et on voit que ça s'est, je sais pas si on peut dire professionnalisé, mais c'est plus cadré, enfin carré, quoi, et puis ça va beaucoup plus vite. Ouais, Encore récemment, alors des épreuves qui n'étaient pas ultra, des trails d'une vingtaine, 20-25 bornes, où je termine dans des chronos plutôt pas trop mauvais, je trouve, et où je me retrouve relégué assez loin au classement, avec effectivement quasi que des jeunes devant, garçons comme filles. Et c'est vrai que c'est très curieux, ça n'existait pas. On peut se souvenir de quelle année c'était, 2008, je crois, la première année où Kylian gagne l'UTMB, où il détrône Marco Olmo. Et ben, on retrouve un petit peu cette différence, mais au niveau des poireaux comme nous, quoi, en fait, de plus en plus. Et c'est vrai que c'est, alors c'est bien parce que ça apporte quand même de la jeunesse, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est quand ils sont quand même bienveillants, hein. Mais c'est vrai que les chronos, même sur des courses, là je fais l'année dernière, il y a 2 ans je crois, les 100 km du Vigan. C'est assez, il est pas si facile que ça, il est pas beaucoup, il y a 100 km et puis 4 500 ou 5 000 dénivelés, c'est pas non plus extraordinaire, mais un délai de 19 ou 20 heures maximum, et bien, il faut quand même pas trop traîner quoi, donc il y a 50% d'abandon tu dis, et là voilà, et effectivement faut tracer quoi, il mettrait 22 heures on va dire, parce que tout le monde passerait. Mais 20 heures, faut pas lâcher, hein. Tu peux pas traîner 1 heure à dire tiens, je vais manger, j'attends 1 heure et je repars. Voilà. Donc même au niveau des courses, c'est devenu ils sélectionnent, enfin certaines courses, hein, ça dépend des courses, hein. Mais je trouve que ça sélectionne dur quand même, hein. Oui, et puis d'autant plus qu'il y a énormément de monde maintenant qui cherche à s'inscrire aux épreuves. Je ne sais pas si tu as vu il y a 10 jours, 15 jours, la polémique, encore une fois, désormais tout est propice à créer des polémiques sur le raid du golfe du Morbihan. Je crois qu'il y a 6 000 places en tout sur les différentes épreuves. Et il y a eu des problèmes sur le site pour les inscriptions. Tout est parti en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Enfin, voilà, il y a des tas de gens Ah, qui se même pour le retrouvent. grand? Et oui, c'est assez Ah ouais. incroyable parce que c'est une Parce que épreuve. celui-ci, je l'ai mis sur un jour, il faudrait que je le fasse, quoi. Ben, ça Faut va que j'y devenir arriverai plus compliqué qu'il de y a autant de s'inscrire, monde. ouais. Et oui, c'est ça le problème, c'est que des courses comme ça, moi, ça m'intéresse moyennement, quoi. T'as pareil, la Montagnarde, qui était une super course, elle a vachement diminué en dénivelé. Et puis, moi, je l'ai faite il y a 9 ans maintenant. Il y a beaucoup plus de monde. Là, j'ai vu, il faut s'inscrire vite, hein. Donc, bon, après, il y a moins de dénivelé, alors quand même, c'est un peu moins. Mais au bout, j'ai regardé, j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Et voilà, mais il y a des courses quand même qui, oui, c'est devenu. Bon, c'est le sport. Après, est-ce qu'ils seront encore là dans 20 ans? On ne sait pas, hein, les jeunes. Effectivement, ouais. Mais moi, j'ai le même problème. J'ai très envie. Ça fait des années que j'ai envie de m'inscrire à l'Ultra Tour du Beaufortin, qui était petite course où il n'y avait pas grand monde en fait chaque année. Enfin, il y avait suffisamment de monde, mais c'était pas très couru. Et là, désormais, si tu t'inscris pas dans les 10 minutes au moment de l'inscription, bah, c'est fini. T'as pas de Ah dossard, bah quoi. c'est clair, Donc ça m'embête un et peu. celle-ci, moi je c'est pareil, c'est une, j'ai dit un jour faut que je la fasse, mais du coup je l'ai jamais faite, mais c'est vrai que oui c'est ça, il y a des courses comme ça où il y a beaucoup beaucoup de monde. Heureusement qu'il reste encore beaucoup de courses et on en trouve encore quand même pas mal, où il n'y a pas trop de monde et voilà, ça passe bien. Mais le trail c'est devenu, il y a beaucoup de monde. Par contre la Circadie, j'en ai fait un. Là, j'ai fait Toulouse il y a 2 ans, ou l'année dernière, je ne sais même plus, il y a 2 ou 3 ans, sur le 24 heures, on était 40, quoi. C'est vrai que, alors, il y a eu je trouve, de ce que j'ai pu observer, il y a eu un transfert du 24 heures qui marchait bien il y a 6, 7, 8 ans. Il y avait des épreuves qui se créaient et tout, vers les backyards d'ultra, donc ces courses à élimination où chaque heure tu dois faire 6 km 706, je crois. Et tant qu'il y a des participants au départ, eh bien, tu continues. Et ça marche très très fort. Il y en a de plus en plus qui se créent, elles sont pleines à chaque fois. Nous, on en a une en Chartreuse, ils sont 300 je crois au départ, c'est de la folie. Et à côté de ça, effectivement, les 24 heures, bah, c'est en chute libre. Ouais. Alors par contre, effectivement, la moyenne d'âge sur les 24 heures, la moyenne d'âge, je pense qu'elle a 60 ans. Hein. Il y a quelques jeunes, mais il y en a très peu. Ouais, en effet. Il y a cependant encore des gens qui sont performants. Le record de France féminin vient d'être battu il y a quelques jours là. J'ai vu, ouais. Donc, voilà, y a quand même encore des gens Oui, qui... 240, 243, c'est ça qu'elle a fait? Ouais, ça tourne Moi, j'avais fait fort, 160, alors c'était bien, quoi, ça m'allait bien. Bon, février à Toulouse, je pensais qu'il allait faire très chaud, mais en fait, c'est le seul moment où il a gelé, quoi, je crois. Mais donc, et puis je m'étais pas préparé, j'avais pas de gants, j'avais rien, j'avais qu'un t-shirt. Enfin bref, on m'a dit il fait très chaud là-haut, t'inquiète pas, bah, tu parles. Mais bon, c'est pas grave, ça se fait quand même. Mais bon, je m'étais inscrit un peu au dernier moment, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça se fait bien. Mais par contre, il y avait pas grand monde, vous voyez, j'étais un peu étonné quand même. J'en ai retrouvé quelques-uns que j'avais déjà vus sur les 24 heures il y a quelques années. Mais c'est comme ça. Mais pareil, le 100 km d'Ardèche, pas grand monde, on était 200 l'année dernière, quoi. 200, ouais, c'est vrai que le 100 km, ça n'a jamais vraiment attiré du monde, hein. À part Millau, c'est pas des épreuves où il y a vraiment des masses de gens. Oui, c'est vrai, parce que moi j'avais fait déjà le Morvan, j'avais fait quoi d'autre, je ne sais plus. J'en ai fait trois, donc je ne sais même plus laquelle que j'avais faite, mais d'autres, mais oui, c'est vrai, c'est bon, il y a peut-être un petit peu plus, mais ouais, 200 ou 300 personnes. Ouais, à part Millau, alors là, moi je suis pas loin, j'habite pas loin, mais Millau, il y a peut-être 700 ou 800 personnes, 1000 personnes, alors ça, pas que ça m'intéresse pas, mais j'aime bien courir, j'aime bien être solitaire un peu quand je cours, quand même, avoir des périodes où t'es tout seul, quoi. Est-ce que tu te souviens de ton premier ultra, sans doute, j'imagine? Lequel c'était? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que... Alors, mon premier ultra, c'était le Morvan, les 100 km du Morvan. Ok. Je courais déjà, mais j'avais aucune notion de je courais pour le plaisir, hein. Voilà, je partais des fois faire 40 ou 50 km tout seul. Donc, je savais pas où j'allais, donc je suis parti tranquillement et c'était super bien. Franchement, il faisait une chaleur comme pas possible. Je m'en souviens bien, ouais, tout à fait, parce qu'en plus on avait dormi sur place et il y avait beaucoup de ronfleurs et j'avais pas beaucoup dormi dans la nuit, donc c'était le matin c'était drôle quoi, mais c'était vraiment bien quoi. Et Je m'en souviens bien. est-ce qu'à la fin, tu as eu ce sentiment de jamais plus, et puis finalement, les jours et les semaines passantes, tu as eu envie de recommencer, ou au contraire, ça s'est Ouais. vraiment bien terminé et... Et ben en fait à chaque fois je me dis jamais plus, mais presque à chaque course. Et je sais pas, le lendemain, maintenant j'ai plus trop de courbatures et puis ça va bien. Et je me dis, quand est-ce que je fais la prochaine? Donc oui, tu as raison, l'année dernière, bah, les 100 km d'Ardèche, là, il a plu non-stop. Et ça a été un vent et de la pluie non-stop. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'abandons, même si les délais étaient assez longs, parce que tu voyais pas à 2 mètres, c'était une catastrophe. Hein. Et il faisait froid en plus, enfin, c'était vraiment. Et puis ma femme m'a dit, mais non, c'est ça. Et puis elle avait raison, parce que le lendemain, je regardais déjà où aller. Mais quand j'ai fini, je dis, oh, jamais plus, mais bon, on ressigne à chaque fois. Tu évoques ta femme, tes proches, tes amis, tes collègues éventuellement, comment est-ce que ils perçoivent ou ils ont perçu cette est-ce qu'ils ont voilà compris? On sait souvent que les gens qui ne pratiquent pas, bah, ils nous prennent pour des cinglés, peut-être qu'on l'est un petit peu quelque part. Ma femme, je pense que non, bon, elle a pris l'habitude maintenant. Voilà, hop là. Excuse-moi. Elle me suit, et puis voilà. Mais oui, les amis à côté, oui, alors là, complètement, on m'a toujours pris pour un hulu-berlu. Oui, ça c'est clair. Hein. Oui. Et ça s'arrange pas, hein, puisque je fais aussi d'autres épreuves. Maintenant, je fais de la nage en eau glacée. Ah, en eau glacée Donc, aussi, ok. l'ultra en eau glacée, c'est à partir de 500 mètres. Hein. Donc voilà, eh ben oui, on me dit que je suis un peu timbré, mais bon, je ne me pose pas trop de questions, moi, tu sais. Et au boulot, par contre, oui, alors là, ils me prennent pour un fou. D'accord. Donc tu fais aussi de la nage en eau glacée. Donc aujourd'hui, tu cours, tu fais de la marche, j'imagine, dans le cadre de ton boulot aussi d'ailleurs. Tu fais du Oui, vélo beaucoup. toujours. Oui. Tu nages. Oui. L'hiver, du ski, non? Ah, aussi, ski de fond, oui. Ski de fond l'hiver. Classique skating? Classique. Ah ok, c'est mieux en plus pour les genoux. Ah, je sais pas si c'est mieux, mais j'ai commencé comme ça, quand je suis arrivé dans le Cantal. Et puis, je me suis bien plu. Et puis, c'est vrai que c'est pas non plus, les pistes du Cantal, c'est quand même archaïque, hein. C'est un chemin au milieu de deux barbelés. C'est pas super bien damé, donc c'est quand même beaucoup plus mieux. En classique, c'est quand même plus. Ouais, c'est pas. Voilà, bon, voilà, c'est le Cantal, c'est comme ça, on n'est pas nombreux, il n'y a pas beaucoup qui font du ski de fond, donc c'est plus pratique d'avoir du skating parce que du classique, parce que le skating, il y en a des pistes, hein, mais elles sont pas très grandes. Je préfère faire des grandes pistes de 30 ou 40 km que de tourner en rond des trucs de 8 ou 10 km. Ok. Et puis elles sont pas damées tout le temps, elles sont damées une fois dans la semaine et encore. Voilà, c'est plus simple en classique. Ouais. Et tu fais encore autre chose, de renforcement musculaire, ce genre de choses, ou Non, c'est tout, jamais. on a fait jamais. Je Assouplissement, fais jamais de étirement. renfort musculaire. Sauf à la piscine, on nous oblige un peu parce qu'on a. À la piscine, quand tu nages tout seul, tu nages pas. Hein. Faut dire ce qui est, hein. C'est rébarbatif et tout. Donc moi, je suis dans un club et on a un coach. Et effectivement, voilà, le coach nous fait faire un peu de renforcement. Moi, je suis dans un groupe de, on va dire de alors, c'est les maîtres, hein, mais c'est les vieux en gros, hein, qui nagent. Hein. Donc c'est à partir de 25 ou 26. Donc on a des gens de 25, il y en a de 70, hein, qui nagent. Mais la moyenne est plutôt à 40 ans à peu près. Mais voilà, on en fait un petit peu à la piscine, quoi. Mais sinon, non, j'en fais pas. Et alors, malgré ça, mais surtout grâce à tous ces sports qui sont différents, des sports portés en plus, natation, donc haut du corps également, bras, le gainage avec le ski de fond, j'imagine que voilà, tu es on va dire, un athlète complet, accompli. Ah, je sais pas si c'est accompli, mais bon, a priori, ça tourne pas mal, quoi, ça va. Mais en tout cas, oui, ça permet de pas, voilà, des marathoniens qui ne font que du marathon sur route, on sait qu'ils vont développer des problèmes, par exemple d'ischio-jambiers, de genoux éventuellement. Mais le fait, voilà, de croiser les sports, d'avoir des sports portés en plus, ça harmonise un petit peu le corps. Ouais, je pense que c'est ça, toi. Et puis, mais je fais quand même plus attention. Ah si, j'ai oublié, je fais du badminton aussi maintenant. Mais bon, ça c'est un petit plus. C'est pour me casser les fibres là, courtes un peu là. Le travail du cardio. Oui, c'est étonnant parce que je me moquais de mon fils qui en faisait pendant des années là. Et puis voilà, je me dis tiens, je vais en faire une petite heure ou deux dans la semaine. Alors niveau cardio, ça me pose aucun problème. C'est-à-dire que même d'ailleurs au bout d'une heure et demie, une grosse partie, il s'arrête, il se repose un peu. Moi, j'ai pas besoin de m'arrêter. Mais par contre, c'est au niveau des cuisses. Le lendemain, pendant un mois et demi de moins, j'avais pour courir, j'avais mal aux cuisses. Maintenant, c'est bon parce que c'est des mouvements extrêmement rapides en fait. Je pense, alors je pense au niveau des fibres, les fibres rapides là, je sais pas comment on appelle ça. C'est complètement différent et oui, ça m'a bien mis un mois ou 2 mois où pour courir le lendemain, j'avais mal aux cuisses. Hein. Maintenant, là, c'est bon, c'est rentré dans les. Mais bon, je fais un peu de badminton. Mais ça, c'est vraiment du loisir. Voilà, je ferai jamais de compétition quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment pour m'occuper une soirée de plus. Ok. Et est-ce que tu t'astreins à des séances, on va dire, à un entraînement, ou est-ce que tu fais juste du sport comme ça? En natation, peut-être tu dois faire des vraies séances Oui. codifiées, en course à pied Voilà, en aussi ou... natation. Oui, Ouais. vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Ah oui, en natation, on a des séances codifiées parce que. Du coup, je suis le seul à faire. Alors, on commence. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques jeunes qui sont inscrits, notamment des filles là, et qui faisaient avant du triathlon et qui vont commencer à faire du long. Là, je les ai initiés un peu. Donc, on va faire un peu de long et on s'entraîne en lac l'été hein, maintenant. Donc, c'est un petit peu mieux. Et là, bon, on nage tout simplement. Mais en natation, oui, c'est codifié. On a un coach. Voilà. C'est pas ce que je préfère le plus, bien évidemment. Mais là, tu es un peu obligé de forcer un peu et de faire du cardio, évidemment. Mais sinon, quand je m'entraîne, non, je codifie rien du tout. Je vois en fonction de les épreuves que je vais faire. Donc là, je sais que j'ai un trail en février, là, dans un mois et demi. J'ai 50 km ou 55 et puis 2500 de dénivelé dans l'Aveyron, c'est pas très très loin. Donc je sais que ça va être de la caillasse, ça va être des choses comme ça. Donc je m'entraîne à faire plus du dénivelé, à faire des choses un peu plus. Faire moins de kilomètres, mais faire un peu plus de dénivelé dans du caillou, dans des grosses montées un peu fortes. C'est ce que je vais avoir. Mais après, ma base de travail, de toute façon, c'est simple, c'est minimum 6 heures de course à pied dans la semaine. Ça, c'est ma base. Et après, ben, si c'est plus, c'est plus. Si c'est pour un peu moins, c'est un petit peu moins. C'est pas. Et voilà, voilà, c'est à peu près ça. Même pour un 100 bornes ou un 160, ça sera toujours le même principe en gros. Mais si c'est plus roulant, ben, je vais faire plus des choses roulantes. Et si c'est plus chaotique, je vais faire un entraînement un peu plus chaotique 3-4 mois à l'avance, quoi. Ouais, d'accord. Dans toutes ces épreuves auxquelles tu as participé, ou même des off d'ailleurs, peut-être, est-ce que tu as un ou plusieurs souvenirs émus, des trucs qui te restent particulièrement en tête? Alors, bah, le pire, je pense que c'est l'UTPMA quand je me suis cassé les côtes. Ah, Parce que je me ouais. suis cassé les côtes au quatrième kilomètre. Wow. Donc, alors, c'était de ma faute, hein, j'étais déguisé en Superman et tout, et je me suis pris dans ma cape. Donc, bon, je me suis pris les bidons, hein, truc très classique. Hein, bon, j'ai réussi à finir quand même. Hein, bon, dans des délais, j'ai dû mettre 24 heures, hein, je crois. Hein. Donc là, oui, là, je pense que c'est un souvenir, oui, surtout quand j'ai vu que il me restait 3 km, j'ai mis 1h45 pour les finir. Donc les derniers kilomètres étaient très, très durs parce que il n'y avait plus de dénivelé. Bon, là, je commençais vraiment à avoir mal. Donc ça, c'est un souvenir un peu étrange. Et après, eh ben, je pense que le premier 100 km que j'ai fait dans le Morvan. C'était sympa, j'avais fini avec deux légionnaires à l'époque et je les ai trouvés super sympas et bienveillants parce que moi j'avais jamais fait, ils avaient quand même l'habitude et je les ai trouvés sympas et on s'est vus dans plusieurs courses après. Bon, là on s'est perdu de vue, mais c'était un bon souvenir aussi. Ouais. Après, il y en a Et tellement des courses, donc je sais plus, oui. hein, mais j'en ai quelques-unes maintenant. Et il y en a aujourd'hui quelques-unes des épreuves ou des défis même qui ne seraient pas des épreuves qui te font rêver, qui te font envie, alors hormis les problèmes d'inscription dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, moi, une que j'aimerais bien faire un jour, mais il va falloir que je le fasse, ce qui n'est pas trop trop long quand même, mais c'est le Tour des Géants. Hein. Ah oui, ok. Hein, sur 4 jours, celle-ci, voilà. Après, plus long, j'aimerais bien faire le Tour des Pyrénées et tout, mais je ne pourrais jamais avoir 3 semaines, enfin, c'est trop compliqué. Hein, mais le Tour des Géants, je pense que ça doit être faisable. Et tu Et connais déjà après, ce que ou j'aimerais. Oui. tu connais déjà le coin Pas du tout. Ok. En fait, j'ai vu en course, je crois que c'était Run Stéphane qui l'avait faite, et on s'était croisés sur la Montagnard une année, et on avait discuté un peu de ça, mais en 2 3 minutes. Hein. Du coup, et je m'étais bien, j'avais un moment que je me dis, bon, hein, peut-être qu'un jour, il va falloir que je m'inscrive à cette course-là. Et après, effectivement, après en natation, j'aimais bien faire le tour du lac d'Annecy. Mais Oui. en off, ouais. Donc D'accord. avec une bouée, et puis bon, là, c'est un peu d'organisation à faire, mais ouais, le faire, ça fait 60 bandes, je crois. Donc, faire sur 2 ou 3 jours, quoi. Et après, en vélo, il y a un off que j'aimerais bien faire cette année, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de m'entraîner. C'est Annecy, ça s'appelle l'Omomarathon, un truc comme ça. C'est 300 km et il doit y avoir 20 000 de dénivelé, un truc comme ça. OK. C'est un défi, ça. Donc, tu Donc préparera j'imagine ce que par ça. tous les grands cols du coin. Voilà, tout à fait. Alors, c'est drôle parce que tu t'inscris à la boulangerie et puis tu finis à la boulangerie, quoi. Et moi, c'est des trucs qui m'intéressent fortement. J'avais fait une année le 24 heures de triathlon à l'IMSA à Lyon. Oui. Je me souviens plus quand. Et j'ai trouvé ça drôle, quoi, parce que l'inscription, c'est 10 balles, c'est 10 euros. C'est hyper folklorique, hein. Le repas, c'est du pain avec du Nutella. On voit que c'est des étudiants qui organisent ça, quoi. Et puis en même temps, tu as le 24 heures vélo, enfin c'est tout un pataquès, mais je trouvais ça drôle. Moi, je l'avais fait en solo et c'était super drôle parce que faut faire attention à tout parce que ça va dans tous les sens. Et j'avais vu d'ailleurs, je sais même plus comment il s'appelle, un gars qui était sur le forum à l'époque. Mais j'ai trouvé ça aussi, c'était très très bien. Alors maintenant, il n'y a plus la partie natation, je crois qu'il y a juste course et vélo, quoi. Mais je me dis peut-être qu'un jour, il faudrait que j'y leur fasse. Ok. Ouais, Mais j'aime bien quand c'est des trucs un peu comme ça, voilà. Il y a aussi les 24 heures que j'ai fait l'année dernière, les 24 heures de Riom-ès-Montagnes, c'est dans le Cantal. Et alors là, c'est pareil, c'est un truc un peu à l'arrache. Tu tournes sur une boucle de 7 km et 500 mètres de dénivelé quand même, sur 24 heures. Alors, pour une fois que je fais un podium, c'est la première fois, hein. Mais il pleuvait tellement, il y avait de la neige, du verglas, je crois qu'ils ont dû abandonner. C'est pour ça qu'on devait être allé 6 à tourner sur 24 heures. Sinon, ils ont tous arrêté. C'est pour ça que je fais quelque chose. Mais ouais, ça c'est. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. J'aime pas quand c'est trop cadré maintenant. T'es un petit peu le chat noir en termes de météo, non? Ah ouais, souvent. Ouais. Soit il fait très très chaud, soit il fait très très froid. Ouais. C'est vrai, exactement. Et maintenant, effectivement, par contre, en vieillissant, je fais plus de courses. S'il prévoit très très chaud, soit je me suis pas inscrit, juillet août, soit je m'inscris au dernier moment. Parce que par contre, là, je supporte plus du tout vraiment. Alors peut-être parce que je suis trop dans le Cantal. Maintenant, il fait un peu plus frais. Mais la chaleur, oui, la chaleur, j'ai vraiment du mal et courir. Alors, je peux y arriver, je pense. Mais vraiment, ça devient désagréable. Donc, du coup, voilà, il y a des courses que j'évite de faire. Si, voilà, juin, juillet, août, je regarde, voilà. Si j'en ai une, je la prévois. Et si je peux m'inscrire d'un moment et pas trop chaud, j'y vais. Mais sinon, j'y vais pas, quoi. Je comprends, ouais. Dans toutes ces années, que ce soit il y a une vingtaine d'années ou actuellement, est-ce qu'il y a des personnalités, enfin, ou des gens totalement normaux, des coureurs, des cyclistes, je ne sais pas quoi, des rencontres marquantes qui t'ont, voilà, qui ont peut-être infléchi ta pratique, qui t'ont fait réfléchir, qui t'ont inspiré? Alors, eh bien oui, et alors il y en a, ben, tu connais bien, j'ai rencontré une seule fois, mais très très vite, c'est Christian Mauduit, hein, donc du foot. Donc, et je l'avais vu, alors il était en lapin à l'éco-trail de Paris, et j'avais trouvé ça énorme, et on avait discuté peut-être 5 ou 10 minutes, et oui, et je regarde un peu toujours ce qu'il fait, et je trouve sa façon d'écrire, quand il écrit des articles, je trouve qu'elle est très très bien faite. Je trouve que c'est quelqu'un qui se prend pas la tête et ça, il est vraiment, il est quand même. Je suis loin de faire d'en faire autant que lui. Et oui, j'aime bien ce personnage-là. Pourtant, je l'ai rencontré peu, mais de temps en temps, une fois dans l'année, je regarde un peu ce qu'il fait. Et puis après, je dis, ah ben tiens, celle-ci, elle doit être sympa aussi à faire. Et puis il aime bien les trucs un peu ravagés quand même, qui sortent un peu de l'ordinaire quand même, hein. Donc je citerai ce personnage-là que peut-être qu'on s'attend pas à il y a que les gens qui connaissent bien peut-être hein, mais je trouve que c'est un personnage qui est impressionnant en termes de résultats et puis de façon d'être je pense. Il y a un côté un petit peu désinvolte quand tu le connais pas, et en fait, il est extrêmement méticuleux et très scientifique dans son approche des Et ouais, épreuves tu auxquelles vois. il participe. Il est, je ne sais pas si tu as vu, il a eu l'honneur, si on peut dire, du journal 20 minutes il y a 2 ans, je crois, à propos de l'ultra-tunnel auquel il a Ah oui. participé en Grande-Bretagne. Ah oui, exact. Oui. Mais je me doute bien, mais même moi, je prépare quand même un minimum. Hein. Quand j'ai une course, je sais tout sur la course. Quand même, voilà, je sais à quel moment. Toi, je me suis blessé, par exemple, sur les 100 km du Vigan, ce qui arrive. J'ai fini parce que de toute façon, il était hors de question que je finisse pas. Mais je savais exactement ce qui me restait à la fin, quoi. Je savais que ça, que voilà, en ralentissant, ça passait, et voilà, donc j'apprends le parcours, normalement, je le connais plus bien. Donc, je le fais quand même, il y a quelques courses, ça m'arrivait des fois de m'inscrire au dernier moment un peu à l'arrache. Mais généralement, quand c'est généralement, bon, par exemple, des 24 heures, comme ça, je les fais toujours un peu au dernier moment, bon, on verra bien, parce que ça me stresse pas. Et puis, les 24 heures, bah, tu fais comme tu veux, donc, je cherche pas, moi, je cherche pas un kilométrage, quoi. Donc voilà, mais sinon oui, les parcours, je les connais bien, je suis quand même méticuleux. Mais je le voyais moins méticuleux que ça quand même. Non, il est en effet très, très précis dans ses préparations. J'ai eu l'occasion de l'assister sur la backyard en Chartreuse. C'est vraiment très intéressant et inspirant de voir comment il fonctionne. Qu'est-ce que ce sport, en tout cas tous ces sports, ces épreuves, t'ont apporté, tu penses? Est-ce que ça a nourri ta vie en général? Alors oui, parce que depuis que j'en fais, alors maintenant ça doit faire, j'ai le premier ultra, ben, c'était en 2008-2009 par là, donc ça fait déjà quelques années. Oui, c'est-à-dire qu'en fait maintenant je me prends pas trop la tête et la persévérance, ça c'est clair, ça c'est clair. Et puis, ouais, c'est ça, la persévérance, et je me prends plus trop la tête. Mais essentiellement, oui, persévérance aussi, dire voilà, bon, ben voilà, ça dure 2 heures, et ben écoute, on fait. Je sais pas, une réunion de travail qui t'ennuie, et ben, pas grave, je peux m'agacer, on va écouter sagement, et puis on va faire. Comme quand tu cours, quoi, des fois, t'es un peu en galère, ben, ça va passer, t'attends sagement. Ouais, ça c'est clair. Par contre, ça, je l'ai vu assez rapidement, tu vois, après un premier 100 km, juste comme ça. Oui. Et puis aussi après, mais ça c'est plus physique, c'est-à-dire qu'il peut faire chaud, froid, tout ça. Maintenant, je suis pas essoufflé, je suis pas fatigué. C'est à force. Je pense que voilà, c'est à force de pratiquer le sport, ça. Ouais, très clairement, oui, un ascenseur en panne, c'est pas un problème. La voiture qui tombe en panne, tu peux rejoindre la prochaine station-service, etc., etc. Courir pour attraper un bus et compagnie, enfin, ce que beaucoup de nos contemporains, malheureusement, sont pas capables de faire. C'est vrai que quand on a un passé sportif comme ça, c'est. Oui, c'est clair, tu vois. Je veux dire, il y a toujours des trucs qui sont désagréables. Bon, ben, c'est pas grave, on fait avec. Mais je pense que c'est lié effectivement à la pratique alors, de l'ultra, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, hein, de toute façon. Mais effectivement, le fait que ça soit quand même long, je pense que c'est lié à ça. Ouais. Donc tu disais que tu utilisais Strava d'ailleurs un petit peu à ton insu au départ. Aujourd'hui tu enregistres toutes tes séances et tout, mais t'es pas trop techno, gadget, tout ça, toi, hein, je pense. Ah, non, pas trop. Alors, non, pas trop. Moi, j'ai une montre, franchement, depuis, ça fait 3 ans. Pour savoir que, donc, je savais pas, voilà, donc, je sais à peu près ce que je fais, mais il m'arrive de régulièrement aussi de courir et de pas prendre de montre, hein. Donc, et d'ailleurs, sur un ultra, je ne prends jamais de montre. Parce Mais que, de toute façon, tu sais que une séance qui n'est pas sur Strava, c'est comme si elle n'existait pas. ouais, bah c'est bien grave. Non, mais moi je sais ce que je fais, donc j'ai pas de. Là, je le fais plus, voilà. Ma fille elle regarde et puis j'aime bien regarder un peu ce qu'elle fait, juste comme ça. Mais je j'ai pas de. J'avais couru une année plusieurs fois avec un Suisse qui s'appelle Ramon Casanova. C'est un bon coureur. J'avais couru plusieurs fois avec lui. J'avais fait. On avait fait en off l'Authentique Cantal. Donc, c'était une course qui faisait 160 km dans le Cantal et 8 000 de dénivelé. Et on l'avait fait en test. Donc, on s'était retrouvés 4 ou 5. Il était là et il me disait, c'est pareil. Il me dit, moi, je ne touche jamais de montre. Et puis, je me dis, mais en fait, à quoi ça sert? Alors, j'ai une montre quand même pour avoir l'heure, tout simplement, mais pas de GPS, rien du tout, parce que l'heure, ça te donne toujours, comme je sais le parcours, à peu près où on en est. Mais, ouais. Je me dis ça c'est trop parce qu'après je vais commencer à regarder où j'en suis, comment je sais. Et comme je cours juste pour me faire plaisir, si je peux finir bien, ben, je vais quand même accélérer pour finir bien. Hein. Mais voilà, j'ai pas de. Non, je suis pas très gadget. Là, franchement, même en termes de chaussures, en termes de. Je prends jamais exactement les mêmes chaussures. J'ai pas de. Je suis pas maniaque là-dessus. C'est pas toi qui va relancer l'industrie du trail, du textile, etc. française. Ah, non, parce que je cours avec des fringues qui ont encore 20 ans. Ça me va très bien. Et ça marche très bien. J'ai même fait, je me souviens plus quelle course. Ah, ben, c'était les 24 heures de Toulouse, donc il y a 2 ou 3 ans. J'avais oublié mes chaussures. Et du coup, j'avais dans la voiture une grosse paire de chaussures de trail qui était complètement foutue avec des trous. Et ben, j'ai pris ça. Ça marche très bien. Et ils m'ont tous regardé un peu bizarrement avec ça, mais bon. Donc non, non, je me prends pas la tête du tout. Et puis je. Ouais. Sauf sur les caouets, j'aime bien avoir un bon caouet parce que quand il pleut, pendant des heures et des heures, quand même, il y a un minimum à avoir. Mais après, le reste, ouais, non, c'est pas moi qui vais faire tourner le truc, ça c'est certain. Bon, on se rejoint un peu. Moi, j'ai toujours mon Mizuno Breeze Thermo de 2006 qui est troué de partout. Mais malgré tout, je le préfère à mes t-shirts plus récents qui n'ont pas ils me donnent pas les mêmes sensations, je trouve. Oui, c'est ça. Je veux dire, et même maintenant, on arrive à trouver, même en termes de kawaii. Alors, je fais de la pub, hein, mais sur les 24 heures de, parce que j'avais plus rien, et du coup j'avais pris ça, les 24 heures de trail de Riom, et franchement j'ai eu 20 heures de pluie non-stop, pluie neige, mais franchement c'était une catastrophe, hein, franchement. Et j'avais acheté deux jours avant, parce que j'ai aperçu que le mien commençait à prendre l'eau, et je lui dis bah là on l'a vu, ce qui va s'annoncer, ça va pas être possible. Et j'étais à Decathlon, à côté de chez moi là, enfin, sur Aurillac. Et j'ai pris celui de trail de Coursa qu'ils font là. Et ben il a tenu les 20 heures sous la pluie sans aucun problème. Et pourtant il coûte beaucoup moins cher. Et il a tenu. Alors par contre c'est effectivement dans la longueur, c'est-à-dire qu'au bout d'une année quand tu t'es pris beaucoup de flotte, il tient plus, hein, faut dire ce qui est. Mais il est sur une épreuve de 24 heures de pluie, et ben il tient les 24 heures de pluie sans aucun problème, quoi. Donc il les vend à 60 ou 70 euros, quoi. Ah oui, c'est 3 fois moins que les marques un petit peu plus cotées. J'ai eu d'autres marques hein, aussi, elles tenaient un peu plus longtemps, effectivement, quand même. Hein. Mais de toute façon, toutes, quand elles se sont pris, ça fait une année ou deux de la pluie, de toute façon, et même une année, j'allais dire, elles prennent l'eau par la manche, et après, au fur et à mesure, ça prend l'eau et tout. Donc, pour une heure, ça va, et puis après, au bout d'une heure, quand il y a une grosse pluie, ça prend. Donc, il faut se poser la question aussi. Hein. Après, là-dessus, des marques à 300, c'est pas mal, quoi. Oui. On a évoqué 2, 3 points un peu contrariants dans notre discipline. Voilà, les épreuves sur lesquelles c'était devenu super difficile de s'inscrire. Il y a d'autres trucs qui t'embêtent un petit peu aujourd'hui dans ce que ça devient, Ah les ouais, 24 heures qui disparaissent un peu aussi. c'est ça. Et il y en a une où, alors je suis pas en colère, hein, c'est pas grave. Je voulais m'inscrire à une course que j'avais jamais faite chez moi, là, qui est pas très loin, puisque j'ai mon fils qui habite pas loin. C'est la Romagnèse, c'est 50 km et 2000 dénivelés dans le Puy-de-Dôme. Et puis bon, c'est pas très loin en plus. Et j'ai vu qu'il fallait des points etc. pour s'inscrire. Alors, je crois que je les ai, mais je trouve ça aberrant, quoi. Là, j'étais là, là, ça m'a. Je dis hors de question que j'aille dans le genre de choses. C'est pas pour moi. Parce que je sais pas. Ça me. Bon, peut-être c'est parce qu'ils veulent sélectionner. Je pense qu'il y a peut-être trop de monde qui vont s'inscrire, des choses comme ça. Mais en février, 50 bornes. Dans le Puy-de-Dôme, je suis pas sans plus sûr qu'ils vont avoir 300 inscriptions. Hein. Mais là, j'ai trouvé ça encore pire que les délais, quoi. C'est un truc où moi, je ne rentre pas du tout dedans. Je fais des courses, des fois, elles sont même pas à côté ou quoi que ce soit, et j'en ai pas mon truc, quoi. Ouais. Alors, je sais que c'est des points pour aller UTMB ou des choses comme ça, hein. Oui, donc c'est ce que j'allais dire. Il faut pas te parler des Running Stones de l'UTMB dans ce cas-là. Ah non, là, je ne suis pas du tout dedans. Je dois avoir des points ou des choses comme ça, je ne sais même pas comment ça marche, mais ça m'a ouais, non, ça m'intéresse pas du tout. Alors pourtant, l'UTMB, peut-être qu'un jour, j'aurais bien aimé la faire, mais il y a trop de monde. Donc alors ce que je vais faire, j'ai trouvé un copain là, mais qui était aussi sur le forum là, qui est de l'Allier. Et on s'est dit un jour, il va falloir qu'on la fasse. C'est comment ça s'appelle Tu sais, c'est la première version de l'UTMB, mais en version off, il faut qu'on voit parce qu'il y a un peu d'organisation à avoir. Il faut avoir un téléphone qui tient un peu la batterie et tout parce qu'il n'y a pas de balisage. Donc, il faut que tu aies Oui. ta. Voilà. Donc, il faut que je m'équipe un peu ou des choses comme ça que je n'ai pas du tout. Voilà. Et puis, j'avais contacté un copain. Là, il m'a dit, ah oui, dis-moi, moi, c'est un truc que j'aime bien. Il me dit, oui, voilà. Il court un peu plus vite que moi, mais il m'a dit, on s'en moque. C'est en autonomie. Il y a un ravito hein, seulement. Oui. Le Donc. mandala, le mandala du Mont Blanc. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc celle-ci, oui, celle-ci, je la ferai bien. OK. Mais assez rapidement, je pense. Et alors, il y a quelques points négatifs, effectivement, dans l'évolution du trail, de l'ultra. Est-ce que, à l'inverse, il y a des choses qui te font plaisir à voir, aujourd'hui par rapport à il y a une vingtaine d'années? Eh bien oui, il y a beaucoup plus de jeunes et je trouve que c'est quand même, malgré tout, hein. C'est quand même intéressant. Il y en a quand même qui sont. Alors, il y en a vraiment. Bon, de toute façon, je les vois pas. Ils partent tellement vite qu'ils partent à 14 ou 15 km heure les premiers kilomètres. Alors que moi, je suis plutôt du genre à marcher la premier kilomètre et après me lancer. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, au bout de 50, 60 bornes, je sais que je vais commencer à en doubler. Donc, ça change rien. Mais il y en a qui sont plutôt quand même. Je trouve que c'est agréable. Ouais. Moi, j'aime bien. Et puis, même la gente féminine. 25-30 ans, qui courent et tout, et je trouve que ça apporte quand même. Je trouve que on discute, c'est complètement différent, et je trouve que ça apporte du plus, quoi, parce que toujours les mêmes personnes. Non, mais je trouve que c'est très bien, c'est rajeuni quand même aussi, quand même. Hein. C'est négatif parce que ça va vite quand même. Hein. Et puis, ben, ils n'ont pas les mêmes ambitions que moi. Mais aussi, d'un côté, il y en a aussi des jeunes qui le font aussi pour le plaisir, notamment moi, en tout cas, à chaque fois, je tombe avec des femmes, hein, je sais pas pourquoi, toujours au même rythme. Mais je trouve que c'est rigolo, ouais, ça apporte une jeunesse et une fougue aussi qu'on peut avoir sur des discussions. Et je trouve que c'est intéressant. Ouais. Je suis assez d'accord, ouais, tout à fait. Et dis-moi, comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Quel sportif tu seras? Eh bien, moi, je me vois pareil. Pareil, ok. Peut-être que je verrai mes ambitions descendre un peu. Pour l'instant, les ambitions, elles sont encore là parce que ben, j'arrive encore à avancer. Mais peut-être, effectivement, je m'arrêterai peut-être il y a peut-être certaines courses que je ne pourrais plus faire, hein, de toute façon. Il y en a certaines que je ne fais plus parce que déjà, je ne veux plus la chaleur, donc c'est compliqué. Enfin, j'ai plus trop envie d'avoir très chaud et je suis moins bien. Moi, je vois, ouais, je me vois peut-être faire plus de. Mais le problème, c'est natation. J'aime bien faire du long, hein. Mais du long en natation, on va dire que c'est 30 km. Mais 30 km, il faut plus que 4 heures par semaine. 10, 15, 20 km, ça se fait. Et puis, les délais de natation par rapport à la course à pied, ils sont très serrés. Donc, soit tu vas des compètes comme je fais, il y en a quelques-unes qui arrivent à venir, on va dire, c'est un peu du off sans label FFN, donc Fédération Française de Natation, où il y a des délais un peu longs, mais les délais, ils sont quand même super courts. Un exemple, en gros, tu veux faire un 5 km, bon, bah, c'est pas un ultra, mais c'est sympa. Il faut que tu arrives 30 minutes après le premier, 20 Ah. minutes après le premier. Le premier, il fait à moins d'une heure. Oh oui. Et les premiers, c'est des pros. Donc, tu veux faire un 10 km, les premiers mettent moins de 2 heures. Et moi, un 10 km, je vais mettre 3 heures, 3h20, ce qui est Oui. déjà correct, mais je rentre pas. Eh oui. OK. Et en plus, moi, je nage sans combine. Donc, du coup, alors, ça dépend de la température et de la longueur, hein. Mais bah, même 10 km, si la température est à 20, 21, je prends pas de combinaison. Donc, déjà, tu sans combine. Donc, alors, il commence à y avoir quelques courses comme ça parce que j'ai l'impression qu'en natation, c'est comme le trail il y a quelques années, le long commence à arriver et avec des gens qui ont plus envie d'avoir des délais extrêmement importants, même s'ils font un délai parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire quoi. Mais voilà, j'aimerais en faire plus, mais le problème c'est c'est plus facile de courir parce que courir, on part à n'importe quelle heure. Le matin, la nuit, le soir, une piscine. Faut que ce soit ouvert, faut que t'aies les horaires. Enfin, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, je pense que il y a peut-être plus en plus de monde qui vont vers la natation d'assez longue distance. Il y a l'émergence des swimruns, des compétitions longue distance de gravel. Donc tu vois peut-être aussi de marches, de randonnées, mais de longue distance. On peut penser à la Transpyrénéa. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de manières d'explorer, alors de manière compétitive parce que tu as un dossard, mais quand même à ton rythme, qui soit accessible à peu près tout le monde. Dès lors que tu as un peu une condition physique quand même. Et de plus en plus, voilà, de manière d'explorer la nature. Et en effet, des délais tels que tu les annonces, ça paraît surréaliste pour le grand public, pour les poireaux comme nous. C'est réservé effectivement à une élite. Bah, c'est clair, je veux dire, à un moment donné, je fais un peu de sport dans la semaine, hein. Je sais pas combien j'en fais, au moins minimum 10-12 heures, plus la marche et tout, alors là, on doit doubler au moins, mais bon, je pense que quand même je suis en forme, mais tu peux pas suivre, quoi. Mais bon, là, voilà, et là, il y a un 16 km, là, qui est en Charente, qui s'est mis, effectivement, le délai, il est quand même large. Enfin, il est large. Il faut quand même que tu nages 3 ou 4 heures par semaine. Hein. Mais voilà, si tu t'entraînes un peu et que tu as une bonne condition physique, tu peux le finir. OK. Et puis, ils n'ont pas l'air de trop se prendre la tête non plus. Si tu finis pas, bon, bah, tu finiras sans dossard, mais OK. tu finiras, quoi. Oui. Bon. Effectivement, on retrouve un petit peu l'esprit, comme tu le disais, des débuts du trail grand public. Oui, c'est ça, parce que là, ils ont fait un 10 km là, un peu à l'arrache au mois d'octobre. Je te dis pour, hein, il faisait froid, il pleuvait, la Charente était haute. Mais c'était de nuit. Donc c'était super drôle parce que tu voyais rien, quoi. Donc c'était un peu folklorique. Mais ouais, ça, c'est des trucs qui me tendent bien, quoi. Donc peut-être plus ce genre de choses, s'il y en a un peu plus. Mais sinon, je ne me vois pas trop évoluer, peut-être un peu moins de trail, parce que peut-être, mais on avait dit ça il y a 10 ans, on a dit peut-être qu'à 50 ans, on ne pourra plus avoir. Et puis mine de rien, il y a encore quelques gars qui courent qui ont une cinquantaine d'années. Il y en a un petit peu moins quand même, je trouve. Mais, enfin, en tout cas, dans les courses que je sélectionne. Il y en a encore qui ont 60 ans et qui sont très bien. Et qui sont toujours là. Donc, dans 10 ans, je serai encore là. Plus de 10 ans, on ne sait pas, on verra. Ça marche. Ben écoute, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour faire le point, même heure, même endroit. On verra, ouais. Ben écoute, en tout cas, merci pour cette petite discussion. C'est super, super intéressant et ça fait plaisir, ouais, de reparler de tout ça. Et c'est vrai que ça manque un peu, moi je trouve plus, puis après peut-être je cherche plus, j'aimais bien ce petit forum, c'est vrai. Même une discussion de temps en temps, c'est pas, tu vois. Alors t'as plein de trucs, mais sur les réseaux, c'est quoi ça, mais t'as tout et rien, et du coup, je sais, ben voilà, quoi, sur la pratique de l'ultra, en gros, à part quelques-uns que je connais encore un peu, ou avec les réseaux sociaux, ben tiens, je regarde un peu ce qu'ils font, ou des choses comme ça, mais enfin bon, c'est comme ça, hein, c'était un temps. Mais c'est vrai que ça manque un peu quand même. Moi, je me dis, tant que j'arrive à mettre un pied de l'un devant l'autre et que ça tourne encore bien, et que je me fais plaisir, parce que quand même, ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Et puis remplir des défis. Moi, j'aime bien un peu ça, quoi. Toi, l'eau froide, là, je me suis mis il y a quelques années, il y a 4-5 ans maintenant. Ouais, c'est plutôt intéressant. C'est pas très compliqué quand t'as fait de l'ultra avant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que t'as déjà quand même le mental. Et en fait, c'est tout dans le mental. Bon, il faut avoir une bonne forme physique, hein, quand même. Mais en gros, toutes les préparations, tous les machins qui existent, moi, je les fais pas, quoi. Il y a vraiment des méthodes, des trucs. Enfin, je trouve que c'est devenu peut-être business ou je sais pas, mais oui. Moi, je fais rien de tout ça. J'ai un ami qui connaît qui est japonais, qui était aux Jeux Olympiques et tout, et qui nage très, très bien, là. D'ailleurs, je nage avec lui en eau froide, là, dans un mois, là, en région parisienne, parce qu'il organise une course. Et c'est pareil, il me dit oui, voilà quoi. Moi j'ai mon protocole de 10-15 minutes d'échauffement, parce que quand même tu vas dans une eau entre 0 et 5 degrés. Voilà, il faut quand même s'échauffer, mais les méthodes, les win-off, les machins que tu peux voir. Et ça fait vendre des livres. Oui, c'est ça, exact, tu as raison. Ça marche. Bah écoute, à très bientôt. Ok, pas de souci. Allez, salut.